Chapitre 2e. St. Austrobert n'arriva à Châteaupignon que quelques minutes après 11 heures. Bien qu'il n'eût pas, comme Philippe, passé la nuit dans l'insomnie, brûlé par la fièvre et l'impatience, il s'était levé tard, et le temps qu'il avait dû donner à son valet de chambre, pour être arrangé à son gré, l'avait fait partir après l'heure convenue. Il avait fallu discuter le pantalon qu'il choisirait, puis après le pantalon, le gilet, la cravate, le vêtement, et tout cela l'avait mis en retard. Il avait compté que les chevaux du préfet regagneraient le temps perdu et le feraient arriver pour le déjeuner, mais il avait compté sans la chaleur qui ce matin-là était pesante. Quand il entra dans le salon, tout le monde était réuni. On l'attendait depuis 10 minutes déjà pour se mettre à table, au grand mécontentement de M. Daunis, qui n'admettait pas plus l'inexactitude pour un déjeuner que pour une échéance. Lorsque Saint Austrobert aperçut Philippe assis auprès de Marthe, il éprouva un mouvement de surprise désagréable. Il croyait que l'ingénieur était toujours en Espagne, et sa présence au château dans cette journée dérangeait ses plans. Cependant, il ne laissa rien paraître de ce qui se passait en lui, et il accomplit ses salutations en souriant. Lorsqu'il arriva devant M. de Mériol, il lui serra la main avec une chaleur qui disait à tous « Celui-là est mon ami intime. Voyez comme je suis heureux de le rencontrer ici. » Avec Philippe, il se tint sur la réserve, mais tout en ayant cependant pour lui la politesse qu'il devait à un ami de la maison. Roi des fiers, comme s'il s'était fait nommer grand d'Espagne pendant son voyage, Philippe reçut ses politesses avec un parfait dédain. « Il faut que vous sachiez, mon cher RM, dit M. Daunis, que pendant votre absence, il s'est passé quelque chose de très important, de très heureux pour nous. Grâce aux démarches de M. de Saint-Austrobert, qui a fait un voyage à Paris, grâce à son influence, notre projet va être mis à exécution. « Va ?» dit Philippe. Il n'y a pas à douter, la question a fait un pas considérable. Si vous aviez lu le journal officiel qui a publié une note à ce sujet, vous verriez que nous touchons enfin à une solution. Mais on ne lit pas l'officiel en Espagne. En Espagne, comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme en Russie, comme partout, on ne lit pas les journaux du gouvernement français. On sait de quelle façon ils sont faits et la foi qu'il faut avoir en eux. Enfin, dit M. Daunis, qui ne voulait pas laisser s'engager une discussion politique, l'idéal que nous avons tant à cœur tous deux est en bonne voie, et c'est à M. de Saint-Austrobert que nous le devons. Ce que nous n'aurions pas pu obtenir dans plusieurs années, il l'a obtenu en quelques heures. » Une insolence vint sur les lèvres de Philippe, mais un regard de Marthe l'arrêta. En même temps, Mme Daunis s'avança et tendit la main à Saint-Austrobert pour passer dans la salle à manger et mettre ainsi fin à un incident qui commençait à devenir gênant pour tout le monde, M. de Mériol seul excepté. Inconscient de ce qui se passait et se disait autour de lui, M. de Mériol n'avait Dieu que pour Saint-Austrobert, et depuis que le vicomte était entré, il restait saisi d'admiration. Sans doute, il avait de terribles griefs contre lui, mais il ne l'empêchait pas de lui rendre justice. Quel pantalon, quel gilet, quelle cravate. Canaille, oui, il l'était, mais bon Dieu qu'il s'habillait bien. Le dernier bouton de son gilet, comme il était posé, et puis la dernière mèche de sa raie, quelle merveille! Les passions peuvent agiter le monde, les drames bouleverser les familles, le beau est le beau, et partout il conserve ses droits. Pour employer la journée, on devait faire une promenade sur la Mésange, mais pendant le déjeuner, le temps qui le matin avait été beau, quoique lourd, se mit à l'orage. De gros nuages noirs et cuivrés arrivèrent de l'océan, d'où ils paraissaient s'élever en tourbillon comme du foyer d'un immense incendie. Les rafales passèrent dans les arbres, apportant une fraîcheur salée mêlée au parfum aromatique des pins, et sous leur impulsion, la Gironde commença à se couvrir de vagues moutonnantes qui de loin donnèrent à sa surface l'aspect d'une mer agitée. Devant ces menaces d'une tempête imminente, il n'eût pas été prudent de sortir. Alors M. Daunis s'ingénia à trouver des distractions pour faire passer le temps à ses invités. Heureusement, le château était bien fourni en jeux de toutes sortes, billards, croquettes, tirs et 20 autres. On décida qu'on commencerait par le tir, et Mme Daunis ainsi que Marthe tirèrent elles-mêmes quelques balles. Alors, après les premiers coups, on en vint naturellement à parler de bons tireurs. Le temps était passé où M. de Mériol avait pour unique souci de faire briller les qualités de Saint-Austrobert. Cependant, comme il n'avait encore rien trouvé à dire au vicomte depuis le déjeuner, et qu'une pareille réserve pouvait paraître étrange, il lui demanda tout à coup si ce qu'on disait de sa force au pistolet était exact. Saint-Austrobert répondit modestement qu'il tirait comme tout le monde, ou au moins comme ceux qui savent tirer. mais il fit cette réponse de telle sorte qu'il était évident, au contraire, qu'il était un tireur de premier ordre. « Allons, » dit M. Daunis, « il faut nous montrer ce que vous appelez tirer comme tout le monde, M. le vicomte. »« Volontiers, si cela peut vous être agréable. Que voulez-vous ?»« Mais ce que vous voudrez, » dit Mme Daunis. « Alors je demanderai à M. R.M. de vouloir bien nous tracer avec la craie une circonférence sur la plaque. » « Je regrette de ne pas pouvoir faire cela moi-même, mais je n'ai jamais pioché le tableau noir, et je suis moins maladroit avec un pistolet qu'avec un morceau de craie. »« Allons, R.M., dit M. Daunis, vous qui êtes fort en X. » Lorsque la circonférence fut tracée, Saint-Ostrobert prit 20 balles et commença à tirer. Il en plaça 19 sur le cercle de craie, à égale distance les unes des autres, exactement comme s'il eût tracé la circonférence avec son pistolet. Et la 20e, il la logea au centre du cercle, là où se fût trouvée la pointe du compas, si ce cercle avait été dessiné avec un instrument. « Voilà qui est magnifique !» s'écria M. Daunis. « N'est-ce pas que c'est prodigieux ? Mes compliments, monsieur le vicomte. D'avance, je vous adresse mes excuses pour le cas où je vous offenserai. Vous savez, je refuse de me battre avec vous. » « Je ne me suis jamais battu, » dit Saint-Ostrebert en regardant M. de Mériol en face. « On sait généralement dans le monde comment je tire le pistolet, et cela refroidit ceux qui seraient disposés à me chercher querelle. Comme de mon côté j'ai horreur des querelles, je n'en cherche pas moi-même. » « Avec cette supériorité, dit Philippe, ce serait un assassinat. »« D'autant mieux, » répliqua Saint-Ostrebert, « que bien tirer est une habitude du corps, indépendante pour ainsi dire de la volonté. Je suis certain que si je me trouvais en face d'un adversaire, mon pistolet tomberait de lui-même en joue, et que je tuerais cet adversaire comme je casse cette poupée, sans y faire attention. » Parlant ainsi, il avait abaissé son pistolet et sans viser, tout en discourant simplement, il avait pressé la gâchette et la poupée était tombée en morceaux. Le temps s'étant légèrement éclairci et la pluie ne menaçant plus de tomber d'un moment à l'autre, on fit une promenade dans les jardins. M. Daunis, qui marchait en tête avec Saint-Ostrebert, eût voulu avoir Marthe avec lui. Mais celle-ci s'échappait toujours et revenait à l'arrière-garde rejoindre Philippe. Seulement, il ne se trouvait jamais en tête-à-tête, car Mme Daunis, qui d'ordinaire prenait M. de Mériol pour compagnon de promenade, semblait ce jour-là ne pas vouloir rester seule avec lui. Sans cesse, elle appelait Philippe entière, comme M. Daunis appelait Marthe. La lourdeur de l'atmosphère et la chaleur orageuse abrégèrent la promenade. On revint au château et l'on s'installa devant la véranda. Alors Marthe, se trouvant seule une minute avec Philippe, lui dit que le moment était arrivé pour elle de parler à Saint-Ostrebert. « Je ne sais pas attendre, et il m'est impossible de rester sous cette impression. Tenez-vous là, je vais l'emmener dans l'allée des platanes. Ne nous perdez pas des yeux. » Il voulut la retenir, lui faire des objections, mais elle ne l'écouta pas, et les choses se passèrent comme elle l'avait dit. Elle s'approcha de Saint-Ostrebert, et parlant du paysage, du fleuve et des fleurs, elle l'emmena doucement vers cette allée de platanes qui se trouve à droite du château et forme là, perpendiculairement, à l'alignement de la façade, un magnifique couvert de verdure et de fraîcheur. Lorsqu'ils se furent éloignés d'une centaine de mètres, elle changea brusquement de conversation. On ne pouvait plus les entendre, mais on pouvait toujours les voir, de même qu'elle voyait Philippe assis devant la véranda, ce qu'elle voulait. « Monsieur le vicomte, » dit-elle d'une voix que l'émotion rendait vibrante, « je vous demande la permission d'aborder avec vous un entretien qui m'est pénible, mais que je crois nécessaire. » Saint-Ostrebert croyait que Marthe était une petite fille sans grand caractère. Il fut surpris de la résolution et du calme qui se montraient dans son regard. Sans répondre, il s'inclina, curieux de savoir ce que pouvait être cet entretien ainsi annoncé. « Mon père, continua-t-elle, m'a dit que vous nous faisiez le grand honneur de demander ma main. Je dois vous déclarer que je ne suis pas disposé à me marier en ce moment. » « Alors, mademoiselle, j'attendrai. Je dois vous dire encore que je suis certaine de ne pas changer de sentiment. » Ceci devenait assez grave, mais Saint-Ostrebert ne se laissa pas troubler. « Mademoiselle, dit-il avec une grande douceur dans la voix et dans le regard, j'ai demandé votre main, monsieur votre père, parce que je vous aime. »« Monsieur !» s'écria-t-elle en reculant vivement. « Mon Dieu, mademoiselle, il faut bien, puisque vous avez désiré cet entretien, que l'un et l'autre nous soyons francs. « Et vous me permettrez de vous dire que si je vous parle de mon amour, c'est que vous m'y obligez. D'ailleurs, je puis le faire sans blesser les convenances. »« Mais non sans me blesser moi-même. »« Je puis le faire, continua-t-il, puisque j'y suis autorisé par monsieur votre père. Il a bien voulu accueillir ma demande après l'avoir scrupuleusement examinée. Et hier, en m'invitant à passer la journée ici, il m'a dit que je n'avais plus maintenant qu'à obtenir votre consentement. Et c'est ce consentement que je ne puis vous donner. Je comprends que vous me parliez ainsi, et un autre langage m'étonnerait dans votre bouche. Vous ne me connaissez pas. La question de personne n'est pour rien dans mon refus. Mon amour-propre vous remercie de cette raison que vous voulez bien me donner. Mais elle est pour moi inutile. D'ailleurs, je trouve que la question de personne doit être au contraire déterminante. Et voilà pourquoi je vous prie de ne pas trouver mauvais, si je continue à user de la permission que M. Denis a bien voulu m'accorder. Le temps est un grand maître, et c'est sur lui que je compte pour vous amener à d'autres sentiments. Mon cœur ne changera jamais. Votre cœur, il me semble, n'a rien à voir dans ce que vous me dites aujourd'hui, puisque vous ne me connaissez pas. Cela ne pourrait être que si on l'avait prévenu contre moi, et alors je vous demanderais de ne pas céder à cette prévention sans m'avoir entendu. Je vous assure que je parle spontanément. » Saint Ostrobert eut un sourire qui fit perdre à Marthe le calme qu'elle voulait garder. D'ailleurs, elle sentait que ce n'était pas elle qui dirigeait cet entretien, comme elle l'avait espéré, et elle avait hâte d'en finir. « Il me semble, dit-elle, qu'un cœur peut être guidé par un autre sentiment que la prévention, sans aucun doute. Ainsi, il peut l'être contre un amour par un autre amour. Mais cela, je ne la croirai jamais d'une jeune fille telle que vous, qui pour moi est un modèle de pureté. Et d'ailleurs, si par impossible cela était, ce serait un terrible malheur pour nous. Je ne vous céderai point, Harry Ball. J'ai encore du sang de mes ancêtres dans les veines. Et s'il fallait vous conquérir ou vous défendre avec ce sang, je le ferai. Soyez-en persuadé. Mais voici la pluie qui frappe les feuilles. Ne serait-il pas bon de rentrer ? Nous reprendrons cet entretien au reste quand vous voudrez. »